écoute. Toutes tes hits préférées sont ici. RLK. 100% hit. Vous écoutez RLK FM. RLK FM. Bonne journée. Bonne journée. Il est 5h. Vous écoutez RLK. 100% hit. J'ai pris mes valises, je m'ennuie chez toi. Chérie, j'en peux plus, je pense à mon avenir. Au menu de folie. Dis-moi pourquoi cette jalousie. Dis-moi pourquoi, pourquoi. Pourtant je suis pas méchant. Dis-moi pourquoi, pourquoi. La vie est ainsi. Oh, oh. You know how we do, man. Let's do this.